Le vague souvenir que j'ai, c'est peut-être à la cité universitaire, sur des petits cours à l'extérieur. Des petits cours qui avaient lieu à l'extérieur. Par Gabriel ou par, Gabriel, ou par David, les chatons swingers. David, voilà. C'était un cours de swing ? Il me semble que c'était du swing, oui. Et au Michamo, Daniel. Obrigado. Et oui, Camo, Michamo. Obrigado, obrigado. Ouais.